Chapitre 2. Enfance de Monsieur Le Troadec. Combat du Férol. Combat de Trafalgar. Une circonstance inattendue empêcha pendant plusieurs jours Horace et Ludovic d'aller voir Monsieur Le Troadec. Monsieur de Kerdoret, rappelé brusquement à Paris pour des affaires urgentes, avait été contraint de laisser sa femme au Conquet et lui avait expressément recommandé de ne pas permettre aux enfants de courir seuls dans la campagne. Un accident est si vite arrivé à la mère. Madame de Kerdoret avait bien eu l'idée de les conduire elle-même chez le vieil officier, mais sa santé était très délicate et elle trouvait la course un peu longue. D'ailleurs, le temps était très beau et elle tenait à ce qu'on en profitât pour prendre des bains. Une semaine s'écoula sans qu'il fût question de la visite projetée. Mais le dimanche suivant, M. Le Troadec vint au Conquet. Il s'informa de la demeure des étrangers et se présenta chez Mme de Kerdoret. Il sut si bien plaider la cause de ses petits amis qu'il finit par triompher des craintes maternelles et qu'il les emmena. Ce ne fut pas toutefois sans avoir bien promis de ne pas les perdre de vue et de les reconduire jusqu'à une certaine distance de la maison. Chemin faisant, le vieux marin se fit un plaisir de répondre aux mille et une questions que lui adressaient les deux cousins. Il leur donna toutes les explications possibles sur la construction des navires, les marées, la pêche, l'usage de la boussole, etc. Ils arrivèrent ainsi, sans s'en apercevoir, à la maison blanche que l'ex-officier s'était fait construire à 200 pas des falaises. « Voilà mon ermitage, » dit M. Le Troadec en approchant de sa petite villa. « J'ai voulu le bâtir en cet endroit afin d'avoir sous mes yeux jusqu'à ma mort la vue de la mer. Et cependant, tout n'a pas été joie dans ma vie de marin. Mais voyez-vous, plus l'homme a été malheureux, plus il semble s'attacher au lieu où il a souffert. Ainsi le veut la Providence, et ainsi s'explique l'amour que ressentent les sauvages des contrées les plus affreuses pour le sol où ils ont vécu. » En prononçant ces mots, le vieillard s'était assis sur un banc placé à la porte de la maison et avait invité d'un geste les enfants à faire comme lui. « Monsieur, votre conversation est très instructive, » dit tout à coup Horace, « mais nous voudrions surtout vous entendre parler de vos voyages et de vos expéditions. Nous serions si heureux, au collège, de pouvoir les raconter à notre tour à nos camarades. » Beaucoup d'entre eux n'ont jamais vu la mer et ne la connaissent que par les livres. « Vous dire ma vie entière serait peut-être un peu long, » répondit Monsieur Le Troadec. « Mais puisque vous paraissez tenir à la connaître, je tâcherai de me rappeler certaines circonstances qui m'ont plus frappé que le reste, et je ferai de mon mieux pour vous intéresser. Nous autres vieillards, nous aimons à parler du passé. D'ailleurs, quand on est, comme moi, seul d'un bout à l'autre de l'année, on ne demande pas mieux que de rencontrer quelqu'un avec qui l'on puisse échanger ses pensées. » Le vieillard alluma sa pipe et commença son histoire en ces termes. « Comme vous le voyez, mes enfants, je ne suis plus jeune. À la Saint-Michel prochaine, j'aurai atteint mes 66 ans. Mon père habitait le village de Locrist, que nous avons traversé en venant du Conquet, et il y exerçait la profession de pêcheur. Quant à ma mère, elle s'occupait du ménage, remaillait les filets rompus et allait vendre le poisson à Brest. Les temps étaient très durs alors. Les pauvres gens comme nous avaient de la peine à vivre, heureux quand il y avait sur la planche un gros pain d'orge pour le lendemain. Mon père était déjà âgé lorsque je vins au monde. Ce n'est qu'au retour de l'expédition d'Amérique, où il avait été blessé grièvement, qu'il s'était décidé à s'établir sur cette côte. Il s'était marié peu de mois après son arrivée, et, incapable de reprendre le service, il avait acheté de ses économies un bateau et s'était mis à pêcher. Malgré notre pauvreté, le bonheur n'avait pas fui de la chaumière. Quand le soir les deux époux calculaient, à la lueur du foyer, les profits de la journée, un rayon de joie éclairait leur visage hâlé, et ils remerciaient Dieu avec reconnaissance d'avoir béni leur travail. Mais hélas, tous les jours ne se ressemblaient pas. Le poisson n'abondait pas continuellement, et puis la tempête retenait quelquefois loin du rivage la barque, qui ne rentrait que bien avant dans la nuit. Je me souviens encore de l'inquiétude affreuse que ces retards causaient à ma pauvre mère. En entendant le bruit de la vague déferlant contre les falaises, elle s'agenouillait pieusement sur la pierre du foyer et invoquait l'appui du ciel pour son mari. Elle ne se couchait point que le pêcheur ne fût rentré et n'eût pris son repas. Quand j'eus 10 ans, mon père trouva que j'étais assez fort pour l'accompagner dans ses courses sur l'eau. Il pensait qu'il était temps de m'accoutumer à la fatigue, afin que je puisse bientôt moi-même gagner ma vie. Mais le curé de la paroisse, qui m'avait pris en affection et qui aimait beaucoup mes honnêtes parents, l'engagea à ne pas négliger, tout en me formant à la navigation, de me faire donner quelque instruction. Il savait que nous n'étions pas riches et s'offrit d'être mon maître. Chaque matin, je me rendais au presbytère et je recevais du bon prêtre une leçon. J'appris d'abord à lire, à écrire et à calculer. Ensuite, comme je montrais du goût et une certaine aptitude pour l'étude, j'étudiais la grammaire et j'essayais les devoirs latins. Tout cela ne m'empêchait pas de m'embarquer très souvent avec mon père, qui me façonnait vite à son métier. Au bout de quelques mois, je savais manier la rame, jeter les filets et gouverner un bateau. Ce fut un grand bonheur pour ma mère et pour moi. Mon père tomba dangereusement malade et mourut après 1 semaine de souffrance. Le travail l'avait tué. Monsieur le Troidec se tut quelques instants. Les yeux abaissés vers la terre, il paraissait plongé dans ses souvenirs. Il reprit bientôt. J'avais 16 ans. Je résolus de rester auprès de ma mère, dont j'étais désormais le seul soutien, et j'essayais, par mes soins, de calmer la douleur qu'elle ressentait de cette perte cruelle. Mais il est des chagrins que rien ne peut soulager. Celui de la pauvre veuve était trop profond pour ne pas devenir mortel. Il lui était impossible d'oublier le passé, et elle ne pouvait envisager sans frayeur l'avenir. Tôt ou tard, je serais appelé à servir sur les vaisseaux de l'État. Je partirais pour des contrées lointaines d'où je ne reviendrais peut-être pas, ou bien encore je périrais, atteint d'un boulet ennemi, et elle se verrait réduite dans sa vieillesse à la misère et à l'abandon. Cette pensée occupait sans cesse son esprit et altérait de plus en plus sa santé. Elle dépérissait à vue d'œil. Un matin, la voyant plus abattue encore que d'ordinaire, je ne pus m'empêcher de verser des larmes. Ma mère s'en aperçut malgré mes efforts pour les dissimuler. « Yves, me dit-elle d'une voix douce et faible, pourquoi pleures-tu ainsi ?»« Ma mère, répondis-je en sanglotant, ma bonne mère, votre douleur me fait tant de peine. On vous a dit que le gouvernement allait faire une levée de marins. L'idée de notre séparation vous tourmente. Vous vous dites qu'il vous serait impossible de vivre sans moi. Eh bien, laissez-moi libre d'agir et je ne vous quitterai pas. » « Quel est ton projet ? » reprit-elle en fixant ses yeux sur les miens, comme pour deviner mes intentions. « L'État, répondis-je, ne peut enrôler pour le service des hommes infirmes. Il me sera facile. » L'expression sévère que prit soudain son visage m'empêcha de continuer. Elle avait tout compris. « Mon fils, me dit-elle d'un ton grave, ce que tu proposes est une lâcheté, et tout le monde te dira qu'il n'y a jamais eu de lâche dans la famille des Le Troadec. » Ton grand-père mourut dans une bataille. Ton père fut blessé sur la frégate où ses chefs l'avaient placé. Tu ne voudrais pas nous déshonorer en refusant de t'embarquer quand le moment sera venu. Je sais que c'est ton cœur qui t'égare. Aussi je te pardonne et je te remercie. Mais vois-tu, mon enfant, il faut chasser bien loin des pensées comme celle-là. Le devoir avant tout. Tu partiras, comme les autres, avec courage, et moi je prierai le ciel pour toi. Le bon Dieu, j'en suis certaine, écoutera mes prières, et il te ramènera à l'Ochrist. Allons, ne parlons plus de cela. Embrasse-moi et va à ton ouvrage. Le vent se lève, la mer est belle. Bonne pêche et au revoir. » À partir de ce jour, je tâchai de paraître gai, et j'eus l'air de ne point remarquer les progrès du mal. La maladie arriva à un point où les secours de la médecine devinrent impuissants. Il n'y avait pas encore 1 an que j'avais perdu mon père, lorsque ma mère me fut aussi enlevée. Nous étions en 1804. Le premier consul avait été proclamé empereur et poursuivait sans relâche ses projets de guerre contre le plus redoutable ennemi de la France. Des armements considérables se préparaient dans les 3 ports de Brest, Rochefort et Toulon. Je fus appelé, comme tous les marins disponibles, et embarqué à Brest sur une goélette qui mit à la voile pour Toulon. Là, je demandai et j'obtins de faire partie de l'équipage du vaisseau le Neptune, commandé par le brave capitaine Cosmao, que mon père avait connu. Ce navire faisait partie de l'escadre qui se formait dans ce port sous les ordres de l'amiral Villeneuve. C'est à cette circonstance que je dus d'assister au trop fameux combat de Trafalgar. L'empereur avait résolu d'opérer une descente en Angleterre. Une armée de 200 000 hommes, réunis au camp de Boulogne, n'attendait qu'un signal pour l'exécuter. Mais l'Angleterre était parfaitement gardée par ses flottes. Il était donc nécessaire de détourner son attention et d'appeler sur un autre point une partie de ses forces, en inquiétant par exemple ses colonies d'Amérique. Les trois escadres devaient sortir des ports que j'ai dit, aller se montrer aux Antilles, s'y réunir, puis rentrer ensemble dans la Manche afin de protéger la descente. L'Espagne et la Hollande s'engageaient à nous fournir des bâtiments de guerre, avec lesquels la force de notre flotte de haut bord se trouverait portée à 77 vaisseaux de ligne. Les Anglais ne nous auraient guère été supérieurs en nombre, ils n'en comptaient que 89. Mais c'étaient des navires admirablement armés, équipés, expérimentés. Il leur était facile d'en élever le nombre à 100. L'amiral Missiessy partit de Rochefort, dans le mois de janvier 1805, pour aller dévaster les Antilles anglaises. À la fin de mars, l'amiral Villeneuve sortit à son tour de Toulon et prit le chemin de l'Amérique, après avoir rallié la division espagnole. Mais l'amiral Gentôme était toujours retenu par les vents sur la rade de Brest, non loin de laquelle stationnait une douzaine de vaisseaux anglais. Il sortait du Goulet et rentrait, allait mouiller à Berthaume, vous voyez presque d'ici le fort de ce nom, puis revenait au mouillage intérieur, se désolant de ne pouvoir gagner la pleine mer sans livrer bataille, ce qui lui était expressément défendu. Napoléon, informé de ce contretemps, fit parvenir à l'amiral Villeneuve l'ordre de revenir en Europe. L'amiral Missiessy était déjà de retour à Rochefort, où il s'était démis de son commandement. Son successeur dut se porter à la rencontre de l'amiral Villeneuve dans les environs du Férol. Horace interrompit en ce moment l'ancien officier. « Monsieur, lui dit-il, permettez-moi de vous dire une chose qui m'étonne beaucoup. »« Parlez, mon jeune ami, répliqua M. Le Troidec. « Je ne peux pas comprendre comment vous vous rappelez d'une manière aussi précise les dates, les noms des personnages et jusqu'au moindre détail des événements que vous racontez. Vraiment, nous croirions entendre notre professeur d'histoire. »« Il ne faut pas cependant que cela vous étonne, reprit le vieux marin. Si je me souviens facilement, c'est que j'aime à relire souvent les faits qui s'accomplirent à cette époque et auxquels je pris part plus d'une fois. » Le capitaine Cosmao n'était pas homme à rester en arrière lorsqu'il s'agissait de lâcher une bordée à un navire anglais. Nous nous battions comme des lions sous son commandement, et il recherchait volontiers les occasions de montrer son énergie et son talent. Mais où en étais-je de mon récit ? Vous alliez revenir avec l'escadre sur les côtes d'Espagne, répondirent ensemble les deux enfants. C'est juste. Je vous disais que l'escadre de Rochefort était allée au-devant de la nôtre dans le voisinage du Férol. Malheureusement pour nous, les Anglais avaient été informés du plan de l'empereur, et quand nous arrivâmes dans ces parages, après avoir dévasté plusieurs Antilles, nous aperçûmes 21 navires de guerre qui nous barraient le passage. Il fallut accepter le combat. Le 22 juillet, à 1 heure de l'après-midi, les deux divisions étaient aux prises. Une brume épaisse enveloppait les bâtiments et empêchait de voir un autre vaisseau que celui qu'on avait devant soi. Pendant 5 heures, la canonnade fut extrêmement vive des deux côtés. À la nuit, les Anglais se retirèrent, traînant à la remorque 2 de leurs vaisseaux très endommagés par le feu. Quant à nous, nous avions peu souffert et nous étions tout prêts à recommencer le combat. Nous sûmes, au point du jour, que l'ennemi emmenait 2 navires espagnols. Un cri d'indignation s'éleva alors parmi les équipages, et de toutes parts, on demanda à poursuivre les Anglais. L'amiral y consentit, mais le vent leur était favorable, et il nous fut impossible de les atteindre. Nous mouillâmes devant le Férol le 2 août. Le 10, nous levâmes l'ancre. L'amiral avait ordre de rejoindre l'escadre de Brest et d'entrer avec elle dans la Manche. La crainte de rencontrer Nelson lui fit prendre la direction de Cadix. Ce fut la frayeur de notre commandant qui sauva, on peut le dire, l'Angleterre. La descente projetée ne put s'opérer, et Napoléon songea à se précipiter sur l'Allemagne. Cependant, notre marine ne pouvait rester inactive. L'amiral avait été averti du mécontentement de l'empereur. Il résolut d'appareiller au premier vent d'est qui lui permettrait de mettre ses vaisseaux hors de rade et de se mesurer avec Nelson. Celui-ci avait appris le retour de notre escadre vers l'extrémité de l'Espagne et il avait fait voile vers Cadix. Nous sortîmes de la rade le 20 octobre, 28 vendémiaires, comme on disait alors. Nous comptions, je crois, 33 vaisseaux, 5 frégates et 2 briques, y compris les bâtiments espagnols. Le soir, le branle-bas de combat fut fait sur tous les navires. Dès qu'il fit jour, nous aperçûmes l'ennemi. Il se dirigeait sur nous, partagé en 3 groupes. À 11 heures, il nous avait rejoints. Il n'avait que 27 vaisseaux, mais il possédait autant de bouches à feu que nous, et dès lors une force égale. Les Anglais avaient pour eux l'expérience de la mer et l'avantage du vent. Nous avions la résolution de lutter jusqu'à la mort. La victoire devait être chaudement disputée. On était arrivé à portée de canon. L'une des colonnes ennemies atteignit notre ligne, et le feu commença. Les deux escadres disparurent bientôt dans un nuage de fumée d'où s'échappaient des détonations épouvantables et autour duquel flottaient des débris de mâtures et des cadavres mutilés. C'était quelque chose d'affreux. Vous lirez vous-même quelque jour, mes enfants, les détails de ce combat qui fut si funeste à notre marine, mais où pas un Français ne manqua à son devoir. Pour moi, je ne puis guère vous parler que de ce que j'ai vu ou des circonstances les plus importantes. L'amiral Nelson fut tué sur son banc de car. Une balle, partie des hunes du vaisseau le Redoutable, vint le frapper à l'épaule gauche et se fixer dans les reins. On l'emporta presque sans connaissance dans la pièce destinée aux blessés. Il y expira peu d'heures après. Le sort de l'amiral Villeneuve fut encore plus triste. Après avoir soutenu sur le Bucentaure une lutte désespérée contre plusieurs vaisseaux anglais, voyant son navire rasé comme un ponton, il voulut se jeter dans un canot et se transporter à l'avant-garde pour l'amener lui-même au combat. Mais les canots placés sur le pont du Bucentaure avaient été écrasés par la chute des mâts. Aucune frégate n'osait ou ne pouvait venir prendre l'amiral. Il ne lui restait plus qu'à mourir, et il en forma plusieurs fois le vœu. Le Bucentaure, privé de ses mâts et criblé de boulets, ne tirait plus un seul coup de canon. Ses batteries étaient démontées ou obstruées par les débris de gréement. À 4h15, aucun secours n'arrivait. L'amiral, la rage dans le cœur, fut contraint d'amener son pavillon. Une chaloupe anglaise vint le chercher et l'emmena à bord du vaisseau le Mars. Le combat se prolongea encore plus d'une heure avec un acharnement dont on se fait difficilement une idée si l'on n'a pas assisté à ces sortes de duels entre deux vaisseaux. Il n'y avait plus de ligne de bataille. Chaque navire s'attachait au flanc d'un navire ennemi et ne l'abandonnait que quand lui-même était réduit par un autre à l'impuissance de se défendre. Le Pluton, sur lequel j'étais embarqué, comme je vous l'ai dit, se fit remarquer entre tous par son habile et brillante conduite. Il cribla de coups le Mars, lui coupa deux mâts et le mit dans l'impossibilité de manœuvrer. Mais ce ne fut pas sans qu'il lui en coûtât cher. Il perdit plusieurs officiers et beaucoup de matelots. Je fus blessé moi-même dans cette affaire, ce qui me valut un peu plus tard, mon peu d'instruction aidant, le grade d'enseigne, pour lequel le capitaine Cosmao me proposa à la première occasion. À 5 heures du soir, tout était fini. 17 vaisseaux français et espagnols étaient devenus prisonniers des Anglais. Un seul avait sauté. Nous avions perdu 6 à 7 000 hommes. Ce triomphe avait été chèrement acheté par l'ennemi. Presque tous ses navires étaient dématés et quelques-uns mis hors service pour toujours. Il avait à regretter un grand nombre de ses marins et surtout l'illustre Nelson qui valait une armée. Comme le dit un de nos écrivains les plus éminents, si les Anglais montrèrent de l'habileté et de l'expérience, nous eûmes la gloire d'une défaite héroïque sans égale dans l'histoire. La nuit s'éleva une tempête qui changea la position des équipages et des navires capturés. La plupart de ces navires parvinrent à échapper à ceux qui les remorquaient. Mais hélas, plusieurs sombrèrent, incapables de gouverner, et se brisèrent sur les récifs qui avoisinent le cap Trafalgar. Le capitaine Cosmao voulut achever l'œuvre de la tempête. Voyant que les vaisseaux ennemis, contrariés par les vents, ne pouvaient gagner Gibraltar, il sortit de Cadix avec une petite division qui s'était réfugiée dans ce port et s'approcha de la flotte anglaise. L'amiral Collingcod lâcha ses prises afin de soutenir plus aisément l'attaque. Nos frégates profitèrent de cette circonstance pour saisir et remorquer deux vaisseaux espagnols et nous rentrâmes avec eux à Cadix. L'amiral anglais, craignant d'être poursuivi, en brûla lui-même 5. Deux autres lui échappèrent encore pendant la nuit, en sorte qu'il arriva à Gibraltar en menant seulement 4 prises sur 17, dont une française et 3 espagnoles. Telle fut, mes enfants, la bataille de Trafalgar. L'Europe entière rendit justice au courage malheureux. L'énergie dont avaient fait preuve nos marins, surtout ceux qui montaient le redoutable, l'Algésira, l'Achille, le Pluton, montrait ce qu'auraient pu faire des hommes éprouvés à la mer et formés par des croisières fréquentes. Mais il est temps d'en finir avec ces souvenirs douloureux. Un autre jour, vous reviendrez me voir, et si cela vous intéresse, je vous dirai ce que je devins ensuite. « Oh, merci, monsieur, » répondit Ludovic. « Nous profiterons avec le plus grand plaisir de votre complaisance, et nous vous en serons bien reconnaissants. » À ces mots, les deux cousins prirent congé du vieillard et s'en retournèrent au Conquête.